Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, baby. Put a nickel in for Maybelline. Jukebox, baby. Drop another one for 17. Jukebox, baby. Jukebox, Saturday night. Fréquence pas et pluriel. Não sei o que você quer me transformar num satélite, num robô, num ser de sal. Mas eu posso lhe dizer que sou mais gente que você. No seu mundo social sempre fui um marginal. Consciente do que sou, eu não quero mudar. É na margem que eu encontro a luz. Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, au fond près du jukebox. Bienvenue tout le monde, vous êtes là pour la spéciale Source Phonique. Nous sommes avec Alexandre là-bas et Clément Pio. Bonsoir les gars. Bonsoir. Salut Alex. C'est un vrai plaisir de vous avoir du coup parce que celle-ci, cette émission est une émission spéciale vous, enfin qui vous est consacrée clairement les gars. Vous êtes retransmis en direct sur tout Paris, sur la 106.3 FM. Avant toute chose, bienvenue. Merci. Bien. Merci. C'est la première fois que vous venez sur notre radio du coup, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Yes. C'est un vrai plaisir. Du coup, pour tous nos auditeurs, cette émission, vous allez entendre du coup Source Phonique, qui va nous raconter un petit peu leur parcours, leur histoire, en passant avant tout de musiciens, ensuite d'associations, d'événements qui se basent essentiellement sur la vente de vinyle, sur la rencontre, progressivement par des concerts, des événements. Mais avant toute chose, nous allons passer sur une petite page de pub son. Et après, on va revenir vers vous tout de suite. Restez à l'écoute, on est avec Alexandre Labarre et Clément Pio de Source Phonique. 106.3. Fréquence Paris. Now say toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM pour cette spéciale source phonique. Rebonsoir les gars. Rebonsoir. Rebienvenue. Bonsoir Paris. Du coup, nous sommes avec Alexandre Labarre et Clément Piau. Piau, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. J'ai eu un doute, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Du coup, je voudrais savoir quel était le nom de ce track. C'est Sahara. C'est le groupe Sahara, le morceau il s'appelle Felicidadji. C'est un groupe que j'ai découvert parce qu'ils sont passés à Reims au Pop Art Café. Et alors, je n'ai pas pu y aller, mais en tout cas, ça a fait de la pub parce que du coup, j'ai écouté le groupe et je suis un peu deg de pas y être allé du coup. Bah, mais le morceau est vraiment vraiment cool. En plus, il y a du portugais, il y a de la bossa, il y a du rock, il y a du psyché. Moi, ça me plaît. Mais c'était de la prog du coup, de la psyché, parce qu'il y avait un drôle de mélange en mode fusion, ouais, jazz. C'était très ouais, batterie, synthé, il y a un peu de tout, il y a hyper pop, ouais, c'est cool, j'aime bien l'ambiance. Puis ouais, la bossa, dès qu'il y a de la bossa, ça me parle. Alors, bah, tu m'étonnes aussi avec le groove qu'il y a derrière. Tu m'étonnes. C'est cool. Juste du coup, toutes les musiques que vous entendrez ce soir vous sont présentées par la Source Phonique, l'association. Mais avant toute chose, je crois que du coup, cette association Source Phonique aurait une annonce, une nouvelle à crier sur les toits de Paris, avant Reims, ce qui est assez marrant du coup. Mais c'est un vrai plaisir de vous avoir et je suis vraiment très très content les gars que vous faites ça ici à la maison. Et cette nouvelle, quelle est-elle ? Eh bien, Source Phonique était un shop de Scud, enfin un shop itinérant, donc on allait sur des événements où on faisait des événements, où on vendait des disques. Et du coup, le but... on a créé l'asso en 2014, mais ça, il y a eu plein de trucs qui s'est passé entre temps. Le 28 mai. Le but, mai. C'était tout à fait. Enfin, c'était des dates précises et tout. Je... Et, et du coup, ouais, on avait pour but de créer un label, et en fait, voilà, on le fait maintenant. On l'a fait dans les statuts, mais pour l'instant, on n'a pas encore annoncé le truc, donc alors, on l'annonce là. Je suis vraiment content, félicitations les gars. Merci. Moi je vous applaudis parce que, effectivement, c'est vrai que du coup, depuis le 24 mai 2014, Source Phonique était officiellement une association culturelle sur la culture du disque et du vinyle. Exact. Vous étiez sur plusieurs événements que vous avez vous-même organisés. Vous étiez sur plusieurs ventes de vinyle de votre choix ou locaux, du coup. Quand même toujours passé sur Reims. Bien sûr. Après, avec des disques locaux, quand on en avait, quand il y avait les sorties Reims, mais les sorties Reims sur vinyle, il y en a pas énormément. C'est d'ailleurs aussi une des raisons de la création du label. Bien sûr. Parce que l'idée, en fait, pour nous, le label aujourd'hui, c'est de sortir une compilation sur vinyle, donc de pop avec des groupes pour cette première édition, exclusivement des groupes. Yes, cool. C'est un scoop. Voilà, d'ajouter du coup cette offre-là à Reims où il n'y avait pas vraiment de vinyle. Ou alors des passionnés. Des pressages très restreints. Il n'y a pas vraiment de label spécialisé là-dedans. Ouais. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être... Après, il y en a eu dans le passé. Mais pour le coup, en fait, une des raisons pour laquelle vous avez fait ça, je pense, selon moi, c'est ma petite théorie, c'est que du coup, Reims, il y a énormément en soi de concerts qui sont très... j'ai envie de dire indépendant dans des bars. Je vais en citer quelques-uns. D'ailleurs, ça va être une petite page de promo à tous les gars de Reims. La Part Café, la Guinguette, la Verrière, la Cartonnerie. Moi, j'ai juste envie de citer une que j'ai vue il y a plusieurs années de ça. C'était le Pop Art. Le Pop Art Café qui a vu passer pas mal de choses. Et Reims, en fait, pour le coup, en tout cas au niveau des puristes, des DJ, après des artistes, il y avait vraiment ce côté très passionné du son et du vinyle et du mixage. Et franchement, je pense que ça se vaut, quoi, parce que dans le sens où le vinyle, c'est une base, quoi. C'est une base dans le sens où c'est physiquement présent dans l'espace. C'est un support qui est fait pour, j'ai envie de dire, les passionnés. Les vrais savent, j'ai envie de dire. Et du coup, ouais, sur Sphonic, vous êtes spécialisé déjà, vous, en tout cas, membre fondateur de Source Phonique dedans, parce que vous étiez un petit peu dedans. Mm-hmm. Alex, toi, tu as mixé, fut un temps, il me semble, c'est ça ? Ouais, je mixe toujours. Tu mixes toujours, c'est ça ? J'ai deux, trois noms en tête. Stanley. Stanley, c'est un vieux truc, mais, mais maintenant, j'ai projet Humana, que j'ai un petit peu mis en stand-by, parce que je me consacre à un autre projet. Projet techno, du coup, Humana, c'était ça ? Plutôt techno, ouais. Techno assez orienté vers la musique de Détroit, un peu musique berlinoise. Ouais, ouais. Brésilienne, c'est encore autre chose. Bon, bah ça va, du coup, j'ai pas forcément dit de la merde la dernière fois quand je vous ai annoncé. Non, pour nos auditeurs, en fait, j'ai annoncé lors d'une émission que Reims était le nouveau Berlin de France. C'est un peu survendu, mais. Ouais, c'est survendu. C'est ce que je me suis dit après. Alors qu'au final, moi, je pensais à juste la Belgique, quoi. Ouais. Mais bien sûr, mais après, c'est vrai qu'il y a une grosse effervescence, surtout techno, électro, à Reims en ce moment, avec plein d'assauts. La Forge, Vapeur, qui sortent des compiles sur cassette. Il y a Inner Corner aussi. Que j'ai vu. Source Phonique, on a fait beaucoup de soirées techno parce qu'on adore ça. Il y a Lune aussi, le label Lune, qui fait beaucoup de soirées, donc je fais partie aussi. Lune avait aussi à un moment eu quelques artistes qui étaient outre national, non? On a JKS qui fait pas mal de dates sur beaucoup à Paris d'ailleurs. Il fait énormément de dates. Il fait partie de. Si tu nous écoutes. C'est plus que c'est le crew, mais il fait partie d'un crew bien cool. On a Nathan Zaef qui fait partie de. Mate. Si je me trompe pas. Il fait une radio aussi. Non, je crois pas. Après, il est dans le collectif Qui Embrouille Qui. Qui Embrouille Qui, c'est ça. Il est aussi dans la Forge, évidemment. Qui joue pas mal à Paris. Il a fait une concrète là, il y a quelques semaines mois. Il commence vraiment à bien tourner à Paris. Gros événement quand même. Il était sur le Wood Floor, vous savez. Il a fait le Wood Floor, ouais, je crois. Ah, c'est le Wood Floor, c'est beau. Et on a aussi Slowglide, qui est vraiment aussi, qui a fait la concrète et qui a signé aussi sur Antinote. Voilà, c'est une petite fierté locale aussi. Carrément. Qui est très très doué. Pour arrêter de parler de Brodinski et Yuxek à un moment donné. Ouais, voilà. C'est clair, dans les moins de 30 ans aujourd'hui à Reims, c'est des gens très très forts et ils sont vraiment très chauds. Ils commencent à être connus à Paris, ailleurs en France. Et même il y a une bonne effervescence, même en général, même au niveau rap, il y a une grosse scène rap à Reims en ce moment. Ouais. Donc il y a plein de trucs et du coup, petite scène pop qui commence à bien émerger quand même, c'est cool. Donc avec Ian Caulfield, Léo Blumhoff, on en parlera après. Enfin, il y a pas mal de. Ça bouge pas mal. C'est clair. Bah pour le coup, vous les gars, vous êtes vraiment sur un petit peu tous les domaines parce que déjà avant d'avoir tout ça, vous êtes surtout des passionnés de musique. Je vais citer quelques genres que vous mettez en avant et que vous aimez et que vous chérissez. Vous aimez la funk, vous aimez la soul, la dub, le reggae, la techno, la tech house, l'analogique modulaire. Moi, je fais une dédicace à Hasard Mécanique pour ça. Ouais, c'est un de mes projets. Parce que, voilà, si t'aimes l'analogique et que t'aimes le modulaire, mon gars, va sur YouTube, va sur SoundCloud et va écouter Hasard Mécanique, ça vaut le détour. Vous êtes aussi sur de la house, sur du rock et de la pop. Après, vous êtes sur des autres délires de jazz, de fusion, de bossa, de nova. Musique brésilienne, beaucoup. C'est ça. Et moi, je vais faire une petite apartheid électronique. Et pas, je vais pas dire électro, je vais dire électronique. Ouais. Électronique en général, ouais, mais que ça aille de Kraftwerk ou Tangerine Dream ou des trucs un peu plus obscurs comme Mort Garson, des trucs comme ça, mais même la musique électronique actuelle, quoi. Donc, on aime tout en fait. On est pas du tout dans un genre. Quand on fait une soirée, on commence généralement pop. Bossa et puis on finit par de la grosse house En passant par le disco, la funk, l'afrobeat Moi je suis persuadé d'une chose, c'est que pour toi auditeur qui nous écoute, je suis sûr que parmi vous tous il y en a quelques-uns qui viennent de Reims et qui connaissent un petit peu cette ville, ça c'est sûr. J'en connais moi-même 2-3 qui sont là depuis quelques années maintenant et qui connaissent Reims un petit peu, et si tu ne connais pas, tu dois forcément savoir. Voilà. C'est quelque part, c'est sûr. Et après, pour revenir un petit peu à l'essentiel, vous êtes combien en tout, enfin, de base, vous étiez combien à démarrer le projet? Et avec le temps, comment est-ce que ça s'est... On a commencé en mai 2014, donc il y avait moi. Donc à la base, en plus, ça a commencé avant ça, parce qu'en gros, on voulait faire des soirées, parce qu'on écoutait énormément de techno avec un pote qui s'appelle Nathan, et on voulait organiser une soirée... pour inviter des Parisiens qui s'appelaient, je sais pas, je crois qu'ils font plus de musique, mais ils s'appelaient Aspatria. Et donc on voulait les inviter au Pop Art Café, et puis en fait on a organisé une soirée, il fallait qu'on trouve un nom, et puis on s'est dit Source Phonique, c'est joli, c'est sympa. Donc on a fait une grosse soirée, on a fait des fly et tout, chose qui se fait pas souvent à Reims, donc on s'est dit on met le paquet. C'est clair. Et on est content, on a rempli le truc à fond, après les mecs ont été super cool, c'était vraiment vraiment une bonne soirée. Et puis après, comme on n'arrêtait pas de jouer sur des disques, on n'arrêtait pas d'acheter des disques, on s'est dit on aimerait bien ouvrir un shop de vinyle. Donc après, on s'est dit est-ce qu'on prend un local, est-ce qu'on fait ça itinérairement, on ne sait pas trop. Ouais. Et puis en fait, on s'est dit bah allez, on fait des bacs, on ouvre une asso, puis on verra bien. Et puis en fait, au début, on était posé à l'appart café, donc à l'étage. On avait fait une soirée de lancement et tout, donc ça avait plutôt bien marché. C'était cool. C'était en après-midi ou en soirée ? C'était en soirée. C'était un samedi soir, vraiment mode. Tous les oiseaux nuits. Ouais, carrément. Et on avait fait, pour le coup, on avait fait venir plein de trucs différents. Je crois qu'on avait fait venir un groupe de rock et. Et puis après, on avait joué de la techno à la fin. Ah, c'est beau. C'était cool. Tu vois pas ça partout pour le coup. Tu commences rock et tu finis techno. Et après, dans l'idée un peu acidulée. On a eu plein d'idées qui ne se sont pas forcément concrétisées. Mais l'idée de base, c'était on ouvre un shop de vinyle itinérant et on amasse de l'argent, on en met de côté. Et puis après, on ouvrira un label quand on pourra. Ouais. Donc en 2014. Donc il s'est passé 5 ans entre temps. Et donc on y était moi et Nathan, il y a Mathieu qui s'est rajouté au bureau de l'asso et Alexis. Et puis en fait au fur et à mesure, on a commencé à faire des soirées avec des thèmes différents. Donc on a fait des soirées rock avec que des groupes rock, des soirées pop, des soirées hip-hop, des soirées house, des soirées techno. Pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, on a fait beaucoup de soirées. Et puis après, ça s'est un peu essoufflé, on n'avait pas trop le temps. Mon pote Nathan, il a une petite fille sur le tas, donc voilà. Mathieu, pareil, il a une petite fille. Ouais. Donc ça s'est un peu. On n'a plus trop le temps. Moi, j'ai pas trop lâché le truc, mais en même temps, je savais pas trop quoi faire tout seul. En plus, j'imagine, t'avais tes projets perso, toi. Voilà, j'avais mes projets perso. J'étais pas mal avec Lune. On a commencé à Hasard Mécanique après, fin 2015. Donc voilà. Et puis en fait, après, j'ai rencontré. Donc sur Sony, qui était un peu en stand-by. Et après, j'ai rencontré Clément et Léopold. On s'est rencontrés parce qu'on écoutait la même musique, en fait. Je commençais à écouter pas mal de prog, de rock, de library, plein de trucs différents. Yes. Et puis, on a commencé à parler. Je leur ai dit, j'ai une asso. Et eux, ils achetaient beaucoup de vinyle. Donc, on s'est dit, allez, on reprend l'asso tous les trois comme des dingues. Et du coup, on a repris l'asso. On a commencé à faire des soirées tout doucement. Et puis, on a repris ça tranquille. Et au final, on a mis un peu de sous de côté et tout, et puis là on s'est dit on a plein de sous, on fait un label quoi. Allez, on sort un disque. Carrément, c'est tout à votre honneur, parce que du coup il y a beaucoup d'années, il y a 5 années qui se sont passées derrière. Et du coup, le bureau a complètement changé depuis, c'est-à-dire Nathan est parti parce que il avait plus trop le temps, Mathieu pareil, Alexis est parti, c'est ça. Puis au final, maintenant il y a moi, il y a Clément ici présent. Et il y a Léo qui a pas trop le temps non plus pour le label, mais qui nous aide beaucoup, surtout sur le shop et les événements. Il passe des disques aussi. Il mixe avec nous aussi souvent. Surtout le niveau mix et tout. Donc c'est cool. Là, on est 3 officiellement, avec toujours des potes un peu bénévoles qui nous aident de temps en temps. C'est ça, ou même sur des soirées. Je me souviens, à la fête de la musique, on avait joué au Delirium Café à Reims. Au final, c'était parti en B2B x 1000, où on était 6 derrière les platines à se relayer, chacun avec ses disques, pour en passer un. Et Slow Glide, Shannon Bat, qui était là aussi. Ouais, au final, on invite tous les copains à passer, et puis tout le monde passe ses disques. Parce que mine de rien, c'est Reims, dans le 5100, et c'est pas si grand que ça, mais dans un sens, tous ceux qui mixent, ceux qui font du son indirectement, ils se connaissent plus ou moins tous, du coup, c'est pas qu'on a vite fait le tour, mais par exemple, là, je vais encore les reciter, il y a l'appart, la guinguette, la verrière, la cartonnerie étant forcément la plus grosse, il y a le pop-art, il y a le Ludoval, c'est ça ? Oui, le Ludoval. Ouais, Ludoval il y a aussi, le lieu aussi, qui est assez récent. C'est une MJC. Et mine de rien, c'est une petite ville, mais tout le monde se connaît dans le sens où à partir du moment où tu mixes, tu fais du son, t'es passionné, tu digues, tu cherches, tu creuses, tu veux toujours avoir plus de... Tu vas aller à la source du son et qu'à partir de ce moment-là, t'as envie... c'est ça, la source phonique, exactement. C'est ça, en fait. Et que t'as envie de creuser dans ce truc, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a quand même des gars qui font vivre cette ville par leurs événements et par le reste. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, les gars. Parce que vous êtes dévoués. Alex, toi, je sais que tu as commencé à mixer à l'âge de 16 ans. Ouais, c'est ça. Mais tu as commencé à mixer à l'âge de 16 ans devant des gens. Ouais. À 16 ans, tu étais déjà pas direct. En boîte, mais en bar en train de mixer. Ouais, en bar. Au pop art. Ouais. C'est bien ça, Ouais. Mais après, je mixais pas direct sur vinyle. J'ai commencé sur CD, USB. Bien sûr. Mais je me suis mis au vinyle. Quelques temps avant d'ouvrir l'asso, je me suis mis au vinyle et au final, vite fait, je suis devenu addict, quoi. Genre, le vinyle, c'est une drogue. Tu m'étonnes. Je me rappelle de la première fois que, personnellement, pour nos auditeurs, je vais préciser une chose là, tout de suite, maintenant. Je suis allé au collège avec ce monsieur Labarre qui est ici présent. Et je me rappelle de la première fois que... Enfin, moi-même, j'ai tenté de mixer à un moment. J'étais sur contrôleur. Forcément, j'ai toujours aimé le son. Et c'est pour ça que j'ai ma chronique à Fréquence Paris Pluriel aujourd'hui. Parce que je suis passionné de son. La première fois où j'ai posé mes doigts sur un vinyle pour mixer, c'était toi et Nathan qui m'avaient fait mixer mon premier truc. Ouais. Et c'était une dinguerie. Donc pour ça, déjà, moi, je dis personnellement merci. Parce que après ça, mec, j'ai arrêté le contrôleur. Je sais pas si tu sais, je l'ai vendu le truc. Je pouvais pas retoucher un contrôleur, c'était pas possible. Ouais, je comprends. Le son était tellement là et effectivement, t'as le grain. Et moi, aujourd'hui, quand j'écoute un son, un CD, j'ai pas. Enfin, MP3 ou .wave, bah moi, je sais que c'est pas la vraie musique. Il faut avoir. C'est comme quand tu vas au cinéma. Ouais, tu sais qu'il y a la bobine qui tourne derrière. Du coup, t'es dedans. Ouais. Après, c'est différent. Enfin. Je suis pas forcément aussi radical que toi là-dessus. Ouais. Ça, en fait, ça dépend du style de musique. En fait, il y a des bien styles sûr, de musique. Bien sûr. Tu prends des musiques actuelles qui sont sur des trucs assez sur des textures assez froides. Tu prends la trap ou des choses comme ça, oui, qui est un genre que je respecte totalement et j'aime bien. J'en écoute un peu. C'est vrai que de la trap en vinyle, ça se fait. Je sais même pas. Sur vinyle, surtout, ça a pas vraiment de sens. Bah non. Ouais. Ce qui est intéressant avec le vinyle, c'est d'avoir du grain, d'avoir un son assez chaud avec des textures assez marquées. Sur de la trap, ça a peu d'intérêt. Enfin, ça apporte rien. En 58 000 kilobytes. Voilà. Ou de la musique classique. Enfin, le CD a été fait. A été pensé pour écouter de la musique classique. Aujourd'hui, si tu écoutes de la musique classique, écoute-la sur CD, pas sur vinyle. Ça a mille fois plus d'intérêt d'écouter sur CD. Même si voilà, je reste un passionné de vinyle, j'écoute majoritairement tout ce que j'écoute en musique, ça rend mieux sur vinyle globalement. Mais c'est pas beaucoup sur une époque et sur un style de musique qui s'y prête beaucoup, c'est-à-dire les années 60, 70, la pop 80, psychédélique, la soul. Et actuellement, oui, tous les groupes qu'on écoute, c'est vrai qu'ils promeuvent beaucoup le vinyle. À fond. Donc c'est comme les labels Born Bad, tout ça, ils promeuvent beaucoup le vinyle en fait. Donc Moi là tout de suite, je vais parler statistiques. Je vais parler statistiques au niveau du vinyle. Est-ce que vous savez combien de je vais dire LP, je vais pas dire album. Est-ce que vous savez combien de LP ont été vendus aux États-Unis? Donc là, on est sur un gros truc. Je parlerai de la France après, mais vous savez combien à peu près? Faites une estimation. Encore en 2018. Ouais. Ils sont quelle année des chiffres 2018? Je sais pas. Je dirais du 350 000. 350 000 LP, pas album. Ouais. Ah, tu es très très loin du compte. C'est vrai. Alex, je suis très très nul en chiffres. Une estimation globale, en sachant que je crois qu'aux States ils sont quoi? Ils sont 80 millions, 90 millions. Plus que ça. C'est une estimation grosso merdo. On va pas donner de chiffres. Nul en chiffres. Je sais pas, je dirais. Je sais pas, allez. Franchement, je dirais 700 000, un truc. Eh ben ça. Non, 16,8 millions. Ouais, c'est pas mal. Si 16,8 millions de LP ont été. Ouais, mais c'est un truc de dingue. En fait, si tu veux, sur les 5 dernières années, bah déjà 16,8 millions de LP ont été vendus aux États-Unis en 2018. Là, tu parles que du marché neuf du coup. Ouais. Ou alors de ce qui tourne, parce que j'imagine que le marché de gazon. Non, vraiment neuf. Sur des labels, sur des maisons de disques et tout. 16,8 millions de LP vendus. C'est 14% de plus que l'année 2018. En 2017, merci. En 2017, du coup, il y a eu 14,3 millions de LP vendus. En 2016, 3,1 millions. Ah oui, la vache. Oui, mais là, on parle en album. C'est un peu plus vaste. En 2015, on était sur du 11,9 millions. Et en 2014, on était sur du 9,2. Donc, en fait, il y a une croissance exponentielle de vinyle depuis tout ce temps qui est gigantesque, si tu veux. Et j'ai l'impression que les gens se tournent plus vers le vinyle parce que c'est humain, en fait. C'est comme à l'ancienne, quand on se calait dans un salon. Tu sais, on fumait son gros joint, on écoutait du Beatles, Sgt. Pepper, et ça, on était c'est... ensemble. Ouais, peut-être. Après, je pense qu'il y a un truc, c'est marrant, il y a un terme qui est apparu il y a quelques années, peut-être que c'est lié à ça, mais le slow listening. Ça, on disait pas ça avant, en fait. On écoutait un disque et puis c'est tout. Mais en fait, maintenant, on écoute tellement plus d'albums en entier que maintenant, on appelle ça du slow listening, de juste écouter un album en entier. C'est marrant, ça me fait penser un peu aux bonbons, bonbons au magazine parisien. Ils sont vachement dans ce truc-là où ils donnent des noms à tout, tu vois. Tu restes chez toi enfermé, tu fais du nesting. Ouais, c'est ça. N'importe tu quel bouffes un sandwich, t'es un sandwiching, tu vois. C'est un truc. Mais après, je suis quelle action devient un mouvement, tu vois. C'est ça. C'est hipster, non, mais c'est hipster avant tout. Et après, c'est marrant aussi. Bien sûr. Même, j'écoute énormément de musique qu'on appelle easy listening et que les gens en général appellent ça de la musique d'ascenseur. Ouais, en tout ça. Mais c'est drôle parce que c'est pas forcément lié à une action au final, c'est lié plus à l'ambiance de la musique qui se fait penser au fil de, tu sais, un peu chill quoi. De cocooner. Mais ouais, ouais. Parce que c'est de la musique d'illustration en fait, oui, c'est la vraie musique, donc c'est fait pour accompagner des images. Et donc c'est quelque chose où t'es là, tu te poses, tu écoutes et tu te fais ton propre film en fait en écoutant. C'est génial dans la Library. C'est marrant parce qu'il y a un peu un rapport de t'as l'impression qu'il y a une action derrière alors qu'en fait tu peux très bien écouter de la musique en faisant la vaisselle quoi. Enfin, bah c'est ça. La plupart des disques que j'écoute, je fais la vaisselle en même temps. Et est-ce que ça veut dire que je fais du slow ou du double slow dissing, c'est un truc en même temps. C'est du slow washing surtout. Ouais, c'est ça, tu mets une plus grosse pression sur le lavage que sur l'écoute. Du coup. Non mais ouais c'est mais oui j'imagine que je sais pas, peut-être que c'est les gens ont marre d'aller sur Deezer ou j'en sais rien. Enfin quand j'écoute les pubs déjà. Ouais bah déjà oui il y a pas de pub sur le vinyle. Pour ceux qui n'ont pas de compte après, pro et qui payent pas 7 euros par mois. C'est... Ouais c'est clair. Après un vinyle ça coûte son prix mais bon c'est vite rentabilisé. Enfin tu vois 7 euros par mois un vinyle tu payes 20 balles s'il est neuf et puis tu le gardes toute ta vie quoi. C'est ça. Donc ouais il y a un côté aussi objet collectionneur hein. Après je pense qu'on est avant tout. Ouais. Moi je suis un gros passionné d'objets. Je collectionne énormément d'objets à la con tu vois. Enfin et du coup j'aime bien garder des trucs et tout. Et quand j'ai vu que tu pouvais être à la fois collectionneur et digger et passionné de musique, je me suis dit ça c'est parfait pour moi. Ça me permet de garder des objets chez moi. En plus il y a de la musique dessus. Quoi. Donc, c'est ça. Il y a de la musique. En plus t'as le petit book où t'as les paroles. Ouais c'est ça. Pas comme dans le CD, la pochette c'est tout ça. Enfin. Des fois, t'achètes des disques juste pour la pochette, quoi. Genre, bien sûr. Après, il y a un truc qui se fait aujourd'hui, c'est que maintenant, tu peux acheter des vinyles juste pour le disque, même pas pour la musique. C'est-à-dire, il y a des vinyles qui se fait par des boîtes ou des trucs qui ils sont transparents ou ils sont noirs. Je sais que Jack White avait fait un album où sur son disque, il y avait carrément un hologramme quand tu jouais le vinyle. J'ai le vinyle à la maison et t'as un hologramme d'un ange qui danse pendant que le scud tourne. Et j'arrive pas à savoir si c'est génial ou ridicule en fait. Enfin, j'arrive pas à me faire c'est un beau mélange des deux. Assez bizarrement, c'est technique. Je sais que c'est technique. Le mélange du génial et du ridicule. Bah, c'est, en fait, c'est. Ouais, c'est. Ouais, c'est un peu des deux. Ce qui le rendrait encore plus ridicule, c'est de savoir le prix du disque en fait. C'est ça, je crois que c'était 24 euros. Ah oui, ça va. T'as, t'as deux vinyles dessus, c'est carrément raisonnable. Du coup, t'as deux faces B, et après, t'as aussi le truc où c'est. Je connais pas le nom, peut-être vous pouvez me dire, tu sais, quand tu finis le vinyle, et ça passe sur une boucle infinie. Ça, je sais pas du tout. On n'est pas technicien ce point-là. Ouais, mais non, c'est vrai qu'il y a ce truc de collection, effectivement, où le vinyle prend une place chez toi, tu le touches, tu le vois, et. Et puis, je veux dire, merde, quoi. Je veux dire, il y a des artistes qui sont fait chier à écrire, à composer, à l'enregistrer, à le masteriser, et ensuite à l'avoir là. Ouais, c'est vrai. C'est un trophée. Alors, ça, c'est mon âme de philosophe qui est très bien. Je pense que c'est hyper lié. C'est hyper lié aussi au fait que la musique en général est devenue hyper usine. Enfin, c'est de l'usinage, quoi. C'est que on écoute, on jette. Et revenir au vinyle, c'est une façon de dire je prends le temps d'écouter, d'apprécier, de tu vois, c'est prendre le temps quoi. On prend plus assez de temps en général dans la société. Il y a de la place pour les deux pratiques aussi. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est qu'au moment on apporte un truc nouveau qui est le MP3, qui est l'écoute en ligne, internet, le streamer, etc. On dit ah mais c'est génial, on a accès à tout, une bibliothèque énorme de musique. Au moment on en bouffe et tout. Enfin moi j'en parle avec beaucoup de copains qui ont téléchargé énormément de trucs comme moi je l'ai fait. Je sais pas si on a iTunes, je dois avoir 25 000 sons, un truc comme ça. J'espère que LinkedIn n'écoute pas. Ils vont te retracer, mais qu'ils ont ton nom, ils ont tout. Il y a pas toi mec. Ah, si t'as vite court. Si l'assassin nous entend, j'ai salué. Et tu vois, du coup, en fait, j'ai téléchargé énormément à une époque. Ça, sur mon iTunes, je dois avoir 25 000 ou 30 000 morceaux. Ouais. Normalement, ça devient complètement indigeste. Au final, tu dis, bah, c'est quand la dernière fois que j'ai pris le temps d'écouter un album. Du coup, tu reviens à cette pratique-là au studio. Bah non, je vais me poser. Je vais me lire un bouquin, une BD ou ce que tu veux, ou juste m'allonger et écouter un disque, quoi. Et je pense que, tu vois, quand on t'apporte un truc nouveau comme le stream, etc., tu dis, c'est génial. Et au moment, tu dis, bah en fait, est-ce que j'ai vraiment le temps d'en profiter? Et c'était, enfin, j'avais. T'as tellement de possibilités. Quoi. Ouais, c'est la magie d'Internet. C'est marrant parce que ça m'a choqué quand j'ai rencontré Léopold et Clément, c'est de voir leur iTunes et de voir qu'au final, tu leur parles d'un morceau, ils disent ah ouais, ça doit être dans une compile, je sais plus c'est laquelle, mais je dois l'avoir, mais je suis pas sûr. T'sais. Et t'es là, tu te dis bah ouais, mais du coup, moi j'en ai moins, mais au moins je les connais, tu vois. Et il y a un côté. Mais t'as mille fois raison. Ouais, mais c'est vrai que du coup, j'ai jamais eu d'iTunes et Spotify, je m'y suis mis un peu, et puis au final, j'ai un peu arrêté parce que ça. ça me convenait pas la manière dont j'écoute la musique au final. Ouais. Mais après je suis un adepte, enfin je peux pas sortir dans la rue sans mes écouteurs. Mmh. Bah, je suis drogué aux écouteurs. Bah après ça tu vois, j'en parlais avec quand j'étais étudiant en école de journalisme, j'avais interviewé JB Guillot, le patron Clément est journaliste. Oui, dans oui, cette c'est vrai. Et ouais, j'avais interviewé Jean-Baptiste Guillot, le patron de Bandban Records, et ce qu'il me disait c'est que, enfin selon lui, et je pense qu'il a raison là-dessus, c'est qu'il vaut mieux acheter un disque par semaine et vraiment le poncer et l'écouter tous les soirs pendant une semaine, plutôt que d'avoir accès à ça en permanence à 30 000 ou 50 000 sons au final que t'écoutes soit pas, soit mal en fait, parce que tu les écoutes rapidement, tu les zappes, tu dis ouais, il est pas assez bien, je peux trouver plus génial. Ouais. Je peux trouver mieux, je peux trouver autre chose. Au final, tu prends pas le temps d'apprécier vraiment ce que l'artiste a voulu te raconter dans son morceau en fait. Bah ouais. Et du coup, voilà, je pense. C'est clair. Mais du coup, pour revenir sur Sonic, au niveau de vos ventes, de vos événements, du coup, vous avez fait un petit peu de braderie aussi, ou c'était essentiellement événements. Très peu de brocantes, on en a fait un petit peu, mais pas énormément. On a fait beaucoup par contre de bourses disques à Reims, notamment surtout organisées par l'association Velours, qui est en gros la plus grosse association de Reims, qui fait beaucoup d'événements, vraiment des gros événements. On les embrasse. Et ouais, du coup, ils nous invitaient à chaque fois à faire des bourses de disques, donc ça c'était plutôt cool. Et il y avait pas que nous, il y avait beaucoup de disquaires. Et à Reims, il y a vraiment une niche de disquaires qui ont de la qualité, ouais. Et qui vendent pas très très cher non plus, donc c'est cool. Et puis tu peux discuter avec des disquaires, voir un peu leur avis, parce que bon, nous on n'est pas vraiment disquaires, enfin on est disquaires un peu à l'arrache, quoi. Donc intermittent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, on n'est pas. On n'est pas très très pro, et du coup c'est bien d'avoir un avis sur ce qu'on fait aussi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de notre stand, bon, voilà. Non mais moi je trouve que c'est bien dans le sens où du coup c'est honnête, enfin, c'est humain, dans le sens où vous faites votre truc à votre rythme, mais faites. Ouais, ça clairement. A certes pris 5 ans pour que Sur Sonic devienne officiellement un label, mais vous étiez quand même là, vous étiez sur les terrains, tout le monde faisait son truc en même temps à côté, mais vous étiez dans ce nexus-là. Ouais, bien sûr. Je trouve ça humain, limite encore mieux. Bah, c'est le premier mot qu'on a mis dans les statuts de l'association sur Sonic, c'est partage, quoi. Parce qu'on voulait rester vraiment, vraiment dans le partage, tu vois, genre vraiment, les sous qui sont dans l'asso, bon ça c'est normal, hein, c'est dans la loi, mais reste dans l'asso, mais dans le sens vraiment où on va essayer au maximum d'aller vraiment dans le fond du truc, quoi. Pas de enfin tu vois, on fait rarement des fly, on fait rarement enfin on essaye de faire de la com pour faire venir les gens, mais on fait pas de la com pour faire de la com, quoi, je veux dire, et oui, on est un peu à l'arrache, mais on aime bien le côté à l'arrache aussi, enfin moi je suis un partisan authentique, j'ai envie de dire du débutantisme, quoi, clairement. Ouais, mais moi je trouve que c'est tout à votre honneur, les gars, franchement. Alors moi je pense que vous devriez peut-être passer un petit son. Qu'est-ce qui vous botterait? Et ben, parce que moi j'aime vraiment toutes vos compiles, tous vos morceaux, vous avez de très bons goûts. On reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard sur les artistes, en tout cas vos quelques artistes que vous avez dans votre du coup nouveau label maintenant, et on reparlera de ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui te botterait? Bah, je sais pas, on peut peut-être passer un son d'un groupe qui est passé à Reims il y a pas longtemps, on était un peu tout fou, Aquaserge. J'y pensais justement, je pensais à eux. Qui est passé au lieu à Reims il y a pas très longtemps. Et ça nous a fait vraiment kiffer de les avoir à Reims, et en plus j'ai joué des disques pour cette soirée, et c'était cool de les rencontrer, et on adore ce qu'ils font. Vous avez vu ça en live du coup? Ouais, live à Reins. Ils sont 6 sur scène. Ouais, 6. Une petite salle, on devait être une... Il y avait quoi comme un zikos, du coup? Il y avait du chant, du clavier, de la guitare, batterie, basse forcément, et puis... Il y a un souffleur. Il y a de la clarinette basse, il y a du saxo. Basse, guitare, deux synthés. Il y a deux souffleurs, des orgues, enfin il y a un peu de tout, mais c'est... C'est un mélange de prog, de pop, de rock, de... Enfin, c'est ultra riche. Je ferai mon propre avis sur ce morceau-là. Écoutez, Clément, je vais te laisser annoncer le nom du groupe et le morceau. Alors, le morceau, c'est Tour du Monde de Aquaserge. We'll be right back. sur ce phonique près du jukebox. Et bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, au fond près du jukebox, l'émission spéciale Source Phonique. Toujours avec Alexandre Labarre et Clément Pio. Toujours. Ouais, bonsoir. Toujours. Ah, il y a Jonathan qui vient de se joindre à nous aussi, votre technicien préféré que vous aimez tant. Il est là avec vous, avec nous. On est dans la place. Avec et ben, ça, c'est de l'entrée. Yeah, man. Attends, hé. Hey. Je connais ma mère, du coup. Il la connaît. Bon, en tout cas, re-bienvenue tout le monde. Bonsoir à Paris, bonsoir à nos auditeurs. Bah, très rapidement, du coup, Source Phonique, vous êtes devenu un label et vous avez un artiste que vous avez avec vous qui s'appelle Léo Blomov. Léo Blomov, tout à fait. Attends, comment je prononce ça? Léo Blomov, c'est ça. Ouais. Bah, c'est du rock indé pop française. Est-ce que Léo est un Rémois? Oui, tout à fait. Sûr, ouais. Après, il travaille à Paris, il est prof au conservatoire à Montrouge, je crois, prof de piano. Ou de FM, je sais plus. Enfin bref, il est prof au conservatoire, mais sinon il est vraiment de base. Yes, j'ai pu entendre sa musique. On va la passer tout à l'heure. Ouais. Dans pas très longtemps, on va passer du Léo Blomov. Léo, si tu nous écoutes, voilà, petite dédicace à toi. Très beau boulot, on adore tes deux morceaux. Et bah du coup, parlez-nous un petit peu de cet artiste. Comment vous l'avez rencontré au final? Comment ça s'est passé? Toi, si tu l'as rencontré avant moi. Moi, je l'ai rencontré parce qu'en fait, il avait un autre groupe avant qui s'appelait Onirism. Ouais. Où il y avait un super Onirism. Yes. En fait, c'était un mot valise entre Onirism et Rhythm. Voilà. Okay. Onirism. Ouais. Mot que aucun programmateur n'a jamais su prononcer correctement, mais bon, ouais. on s'est débrouillé. En fait, ça, ils avaient lancé ça avec un copain à lui et ils cherchaient des musiciens. Moi, je m'étais proposé parce que j'aimais beaucoup les premiers sons de ce groupe-là. Ouais. Et donc voilà. Tu joues toi du coup? Enfin, je joue un peu pour moi, quoi. Mais du coup, ce groupe-là, il est terminé. Ouais. Mais j'ai pas de projet là en cours. Cool. Non, mais c'est toujours bon à savoir. Attends. On fait une petite pause là. Tu joues quel instrument? Bah, à la base, je suis guitariste. Ah, voilà. Du coup, j'étais la troisième guitare dans Onirism. Parce qu'il y avait plein d'harmonies, c'était génial. Et après, dédicace à tous les guitaristes. Je sais que vous êtes énormes. Vous êtes là. Grand big up. Pas très gentil. Il y en a trop. Putain, vous voulez pas mourir un peu? Tous les mêmes. C'est ça. Ouais, après ça, j'ai fait un peu de basse dans un autre projet qui est jamais sorti finalement, mais après il s'est transformé dans un autre groupe qui s'appelle aujourd'hui Odiana et dans un délire totalement différent où je faisais de la basse. Donc après, maintenant, depuis peu, je me suis mis un peu au synthé, mais voilà, j'avance tranquillement. Ça a pour l'instant peu d'intérêt, mais peut-être qu'un jour je sortirai un truc, j'en sais rien. Ah, mais mec, faut persister, c'est pour ça que je disais ça. Ouais, bien sûr, il faut. T'es guitariste, bassiste. Et puis même quand on est nul, jouer pour ça c'est toujours agréable. J'encourage tous les gens à jouer, même pour eux, c'est toujours plaisir. C'est clair. Moi, je fais une dédicace à Thomas qui est derrière en technique. Continue aussi, hein. On continue la musique, on aime ça. Que la force soit avec toi. Mais oui, du coup, j'ai rencontré Léopold donc dans Onirism. Au final, après le groupe s'est terminé. On est quand même resté en contact parce qu'un gros passionné de musique comme moi, de Canterbury Scene, de prog, de rock psychédélique, de jazz, sont vraiment un peu dans tous les sens. Ouais. Et je l'encourageais vraiment parce qu'en fait, il écrivait pas. Et je l'encourageais à chanter en français déjà, parce qu'il a une voix que je trouve vraiment très cool, et à écrire aussi. Enfin, on était plusieurs à l'encourager, on ne se souvient pas que de moi. Au final, il s'est mis à le faire. Alors, c'est vraiment son projet solo où il composait tout seul. Ce qui bloquait un peu, du coup, c'était vraiment le fait de le faire, en fait, du coup. Bah, ouais, j'ai l'impression, après, c'est de s'y mettre vraiment. Se mettre en avant. C'est ça, et justement, ce qui intéresse les influences qui sont venues après, quand il a commencé à écouter beaucoup du Burgala, comme ça, je pense. Puis surtout, la démarche, en tout cas, surtout s'il vient de Reims, quoi. La démarche de dire, voilà, moi, je fais du son, je fais ça. Ouais, puis il y a une espèce de décomplexion en ce moment sur le français, en fait, clairement. Ça revenir après. C'est pas mal la femme et la belle entreprise qu'on parle de débloquer ça, bande balle à suivre et tout. Mais ça, c'est cool parce que c'est difficile d'écrire en français dans sa propre langue, c'est super dur, surtout c'est en français. Vrai, c'est vrai. Et chanter en français, au final, je pense qu'il a, comme plein d'artistes là, il s'est dit, allez, tout le monde s'y met. C'est Burgala le fait depuis 20 ans. Oui, bien sûr. Mais même au final, tout le monde l'écoutait, personne n'osait forcément le refaire, tout le monde s'est mis à le faire. Mais du coup, pour en revenir à Léo, ouais, je pense qu'aussi, il avait cette timidité-là, ce truc-là de ne pas assumer. Au final, il a appris en jouant via un bouquin, via Oblomov. En fait, du coup, c'est encore un jeu de mots, parce que ce type, j'adore les jeux de mots. De Goncharov, si j'ai pas de bêtises. En fait, c'est ça, l'Oblomov qui est devenu un archétype littéraire après. Ouais. C'est ce personnage-là, en fait, qui reste un peu oisif dans son divan, en fait, à ne pas sortir, à ne pas se confronter au monde extérieur. Enfin, bon, après, le bouquin, je l'ai pas lu, hein, c'est grand que ce que lui m'a raconté, mais je l'ai dans la bibliothèque, je le lirai, Léo, promis. Et du coup, c'est ça, il est parti de ce personnage-là, et en fait, il s'est reconnu dans cet archétype-là. Et il s'est dit, au final, autant en jouer, autant faire ce projet-là autour de ça. Du coup, voilà, il s'est dit, tiens, je vais appeler Léo Blomov, tant qu'il s'appelle Léopold ici. Voilà. D'accord, encore un mot valise. Okay. Et du coup, bon, on l'entendra dans le morceau qu'on mettra après, qui s'appelle Introit, où justement il se présente son personnage en fait d'Oblomov. Ouais. Et donc voilà, il s'est lancé dans ce projet solo là, et étant donné qu'il est en source phonique aussi, on a pas mal mixé ensemble quand lui et moi on est rentré dans l'assaut il y a quoi, il y a un an et demi, deux ans maintenant. Du coup voilà, il a toujours été dedans, et quand on a eu l'idée de sortir une compile de pop avec des groupes de Reims, c'était évident qu'on prenait un morceau de Oblomov, quoi. Bien sûr, bah c'est clair. Surtout qu'en plus de ça, du coup, il vient de la même ville, c'est un peu un pote, ouais. il y a cet engouement où vous êtes tous là, vous partagez les mêmes délires. Bah, moi, je trouve que c'est logique, et moi, je trouve que c'est cool déjà de faire ce pas, en fait. De se dire, vas-y, merde, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, le fais, je kiffe ma vibe, j'aime mon instrument, j'aime juste le fait d'écrire. C'est vrai que c'est pas un exercice facile. Non, pas du tout, non. Bah, non, c'est clair. Je confirme. Et juste de le faire, c'est énorme. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. On va passer du Léo Blomov, non ? Allez. Non, c'est bon. Allez. Donc, du coup, le nom du track ? Introit. Introit. C'est le premier morceau qu'il a sorti. Il est sorti un peu moins d'un an, non ? Il est sorti au mois de septembre, un truc comme ça. Projet single, du coup, ou EP ? Non, pas spécialement. Non, il était sorti vraiment. Sur SoundCloud, les réseaux. Ouais, c'est ça. Il a sorti un clip. On l'a tourné l'année dernière. On l'a tourné l'été, je crois. Ouais, donc. Ah, vous étiez sur place, du coup ? Ouais, alors. On fait de la figuration dans le clip. On fait de la figuration dans le clip. Putain, c'est génial, quoi, sur Sonic. Écoutez leur artiste, vous verrez toute l'équipe, ils sont dedans. Ils sont dedans. Les muses sont présentes. Et on s'est présenté au César 2010. Non, mais attends, parce que. Tu dis ça, mais tu rigoles ou tu rigoles pas ? Non, je rigole. Mais il faudrait faire un César des figurants. Ça serait hyper long. Ça peut être pas mal. Ouais. Au nom de César et du figurant, mais au nom du père, du fils et du Saint-Fiste, je t'aime. Bon, eh ben écoutez, on va partir sur du Léo Blomov. C'est Introit. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Thank you. vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec Source Phonique. Rebonsoir les gars. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir Charles Dusson, c'est infernal. On est en la maison. Allez, c'est mardi. Non, et bah, bienvenue les gars, nous sommes toujours à Paris sur FPP 106.3. Du coup, petite question, vous qui êtes maintenant un label, petite entre deux, vous venez d'écouter Léo, du coup. Mm-hmm. J'adore, ce track est vraiment très très groovy, j'aime beaucoup sa vibe. Je vous invite à retrouver tous ces titres, du coup, que vous pouvez trouver sur YouTube. Oui, il a un deuxième clip qui est sorti il y a quelques semaines, maintenant, qui s'appelle Adieu été. On n'est pas dedans cette fois-ci, on fait la figuration, mais il est très. Du coup, ne le regardez pas. Ne le regardez pas, non, surtout pas. Non, c'est pas bien. Franchement, la direction est dégueulasse, il n'y a pas l'équipe. Non, c'est deux mecs, deux potes à lui qui font les clips qui sont vraiment très cool et qui bossent super bien. Ouais. Et franchement, c'est amateur sans lettres presque. Ils sont hyper calés, ils font ça bien et les clips sont cool. Et c'est juste la passion qui fait ça en fait. Ouais, clairement. C'est l'amour du travail bien fait. C'est bénévole et vision, tout. Parce qu'il y a un scénario en plus derrière ce clip. Moi j'ai regardé les deux du coup. Scénario. Bah ça va avec les paroles quoi. Il se présente, sur scène il fait pareil. Il met un petit divan derrière lui en mode. Sur scène du coup. Ouais, sur scène il a pas en peignoir. C'est étonnant ça quand même. Ça se fait pas. Non c'est pas récurrent. Non. C'est assez drôle. Bah si c'est le personnage du mec qui a envie de glander c'est ça qui se bat dans robe de chambre qui passe sa vie sur son divan c'est ça. À lire des bouquins c'est sympa et enfin, à penser à l'amour. Il y a un travail déjà scénographique déjà par rapport à ça, bien sûr. Là, ça raconte une d'ailleurs histoire. On peut le préciser Léo Blomov il a été présélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges. Ils ont fait une date à la cartonnerie de Reims là, oui vous avez pas organisé mais Léo a été sélectionné ouais, ainsi que Boréal non Boréal ouais c'est Boréal et Dégage et un rappeur Lazy aussi un autre groupe de potes et Lazy qui est un rappeur de Reims aussi qui est très très fort ils sont tous trop forts. je sais pas après c'est apparemment les sélections ils peuvent prendre tout le monde comme personne parce que c'est par style en fait. D'accord. Donc on sait pas, on connaît pas encore les résultats, mais il y aura j'imagine qu'il y aura au moins un Rémois dans la liste. J'espère aussi. En tout cas, on lui dit merde. Et bravo encore tout le monde. Quatre gros merdes. Si on rajoute le mien, ça fait 5. Voilà, toi t'es extrême là. Si on rajoute mon merde, ça fait 5, mec. Exactement. Ouais, ça fait 5. Ça fait 4, ça fait 5. Non, mais putain, ouais. Non, bravo, mais c'est cool. Bah ouais, tu m'étonnes. Du coup, voilà, j'étais au concert et c'était vraiment cool. Et ils ont fait des belles performances, quoi. Donc, cool. Bah en tout cas, je vous invite à aller voir ce truc. Ouais, Léo Blomov. Sans transition, du coup, les gars, on revient du coup sur Sphonique toujours. Je trouve ça vraiment génial le fait que vous soyez. C'est vraiment une belle équipe que vous avez et c'est pour ça que je voulais vous avoir sur cette émission parce que vous. Voilà, comme je disais tout à l'heure, vous avez 5 ans derrière d'assaut et tout. Et ce que j'adore, c'est vraiment le fait que voilà, vous êtes entre vous, vous vous connaissez et vous faites des trucs vraiment par passion et c'est ça que je trouve vraiment beau. Et ma prochaine question, c'est l'avenir du coup de Sphonique. La direction dans laquelle vous voulez aller, qu'est-ce qui va se mettre en place du coup? Parce que c'est vrai que du coup, en tant que label, du coup, vous avez une infinité de possibilités entre mettre en avant des artistes, ouvrir vos locaux, faire plus d'événements, proposer des trucs sur Paris ou même voir à l'international si vraiment vous êtes chaud à ce moment-là. Bon, c'est un autre délire. Hein, mais... Un projet à Los Angeles. À Miami, mon gars. Attends. Mais bien sûr, non, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir, par exemple, sur ces deux prochaines années? Déjà pour l'instant sur les prochains mois on est vraiment sur la compile qui va sortir. C'est déjà beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de soucis à ce point de timing et tout. Bah bien sûr. Au final c'est modeste mais c'est vrai que c'est des enjeux financiers bien sûr. Qui sont négligeables. Surtout qu'on a qu'une seule première sortie, donc si on veut faire bonne impression c'est ce disque là quoi. Après on pourra toujours en sortir d'autres ou quoi, mais en gros là ce qu'on s'est dit c'est en fait on avait fait plusieurs soirées sur pas mal de mois d'affilée. On s'est dit on a un peu de pognon de côté. Donc soit on achète plein de disques et on fait grossir le côté disquaire, ou alors on se dit sinon il n'y a pas de label ou d'assaut pour la pop à Reims. Ouais, sinon on monte un label et on sort tous ces gens là qui sont pour beaucoup des amis mais qui sont ultra forts, qui sont plein de talent et qui peinent parfois à sortir un peu de Reims pour certains, on va les sortir et du coup on a tout investi là-dedans en gros. Bah, c'est clair. Donc pour l'instant le projet c'est ça. Après je pense que, enfin je sais pas ce que t'en penses, qu'on m'a pas spécialement parlé mais c'est développer le label en fait. Après essayer peut-être de suivre, de pouvoir avoir un vrai suivi aussi avec les artistes. Si on peut organiser plusieurs soirées avec la première compile, avec des gros line-up, où on fait jouer, il y aura 5 groupes en tout, si on en fait jouer 3, 4, 5 sur une même soirée, on pourra faire des beaux trucs là-dessus. De toute façon, c'est ce qu'on aura déjà à la release party, on aura logiquement au moins 4 des 5 groupes. Donc si on peut tourner un peu, faire plusieurs dates avec ça, ça peut être pas mal. Et sinon, ouais, après préparer la deuxième compile, pas sortir tout de suite d'album direct. Bon, je après, pas moi, tout je... dans c'est vrai que on en avait un peu parlé vite fait, mais c'est vrai que Source Phonique, du coup, qui s'appellera Source Phonique Records, ça claque. Ouais, il y a eu un gros brainstorming de 11h avant de trouver ce nom. Non, mais ça claque, exactement. Et, ça, c'était mes couilles sur ton cul. Avec amant. Sur le front, quand même, d'habitude. Ah, t'es comme ça, toi. Sur le nez, ça fait des Ray-Ban. Mais pas mal. Merci. On va rendre l'antenne après cette vanne, par contre, désolé. Cachez vos enfants. On avait pour idée de se dire, on va peut-être pas se contenter que de la pop et peut-être sortir des sorties peut-être que digitales, tu vois, ouvrir un Bandcamp et puis faire des sorties digitales, que ça soit plein de sites différents. Et même après, si on arrive à engranger du pognon, comme on dit. C'est du pognon qui irait directement aux artistes, aux labels, au matos. Oui, c'est de réinvestir dans d'autres projets. De pouvoir sortir d'autres disques et de pouvoir les sortir mieux. C'est ça. Aussi de pouvoir payer les gens, parce que là, clairement, les graphistes, qu'on remercie infiniment, parce qu'elles font un super beau travail. Aurélie et Delphine, c'est vrai que ça pète. J'ai vu des affiches d'événements. Les artistes, on les paye pas non plus, et ça, forcément, ça nous emmerde, parce qu'on veut être un label, faire ces choses bien. Donc, le truc, c'est de réussir à. Rentrer un peu d'argent pour faire les choses correctement. Là, on paye le pressage et le mastering aujourd'hui pour cette compile-là. Et si sur la prochaine, on peut payer les artistes, ce serait génial. Putain, mais déjà avec Source Phonique Records, la compile, les artistes de Reims et tout. Moi, je vous souhaite une vraie chose, les gars. C'est que du coup, de ça, avec l'avenir, vous soyez invités en tant que label avec vos artistes à aller sur des festoches, avoir vos endroits et tout, faire tourner vos artistes et tout, et continuer d'avoir vos impressions. Et pourquoi pas aussi avoir. Se lancer dans la politique. Bon courage. C'est pas la gauche, c'est pas la droite, c'est pas le centre. C'est un bel état. Et t'as pu esquiver les pots de vin. La petite dictature du vinyle. Non, mais d'avoir vos propres, j'ai envie de dire, vos liaisons d'imprimerie et d'être un gros record de presser des disques. Exactement. Se faire racheter par Universal. Peut-être pas. Restez comme vous êtes, les gars. Restez comme ça parce que moi déjà j'adore. En fait, je pense que plus t'es indé, c'est cool. C'est ça. Dans l'industrie de la musique aujourd'hui. Pour des trucs. C'est sûr, t'écris ce que tu veux. Si t'as pas envie de te faire. Tu penses comme tu veux et t'es pas obligé de suivre. Après, bien sûr. Mais après, c'est énormément de taf aussi. De toute façon, en gros, on a un modèle, un horizon. Qui est un des meilleurs labels français aujourd'hui, qui est Born Bad, où c'est un mec, JB, qui gère tout seul de son entrepôt à Montreuil, ou de chez lui, il est à Romainville, je crois. Et c'est un mec qui gère tout seul, qui est ultra indé. Du coup, il y a lui qui gère le label, mais qui sort les disques les plus intéressants en pop et en rock et en garage, en français aujourd'hui, en francophone, en ce qui sort de Born français. Bad, c'est... Bien sûr, c'est un truc énorme, mais tu dis, c'est un mec tout seul qui fait ça, tu vois. Ouais. Il a même pas un stagiaire pour lui filer un coup de main pour faire les cartons, tu vois. Il fait les cartons, il les emmène lui-même et tout. J'ai un gros respect pour ce genre de Bien sûr, le mec est hyper impressionnant, hyper talentueux. D'ailleurs, regardez le documentaire. Ouais, très bon documentaire. Je ne sais plus comment il s'appelle. La mauvaise graine sur YouTube, qui est vraiment, vraiment très intéressant si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est label. Il donne son. Après, il y a même une grosse dimension sociale et tout. Comment ça se passe quand tu veux faire un projet? Parce que lui, à la base, travaillait dans un gros label. C'est une guerre. C'est une guerre de tous les jours. Chez Universal d'ailleurs, mais il était dans un gros label, une grosse major. Et il a tout plaqué pour ouvrir Bad Bad. Donc c'est un gros projet. C'est ce qu'il dit en fait, c'est hyper difficile d'avoir un label indépendant et de pas se faire cracher dessus par des gens. Tu te fais toujours cracher dessus par des gens. Déjà, t'es tout seul et si t'es avec toute une équipe derrière. Et au final, c'est ce qu'il dit. Et cette phrase, je la trouve parfaite. C'est si tu commences à douter de ce que tu fais, tu doutes de l'utilité de ce que tu fais. C'est vrai. Et là, tu commences à perdre confiance. En fait, non, faut juste foncer tête baissée. C'est ça, c'est que c'est avoir des projets. Moi, dans ma tête, là, j'arrive par un cercle vicieux à la fin. Ouais, c'est clair. Moi, dans ma tête, j'avais la phrase, mais là, qui s'applique pas. C'est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais là, ça s'applique pas à lui. Bon, ouais, là, c'est un cas particulier. Après, ça veut pas dire. C'est plein de choses, mais c'est un classique. Je pense pas qu'il faut dire qu'il est fermé et qu'il est tout seul, hein, clairement. Sinon, il arrivera. De toute façon, si je me souviens bien, c'est que il dit beaucoup que lui, il marche beaucoup à l'humain. Donc, et je pense que moi, c'est ce que j'essaye de faire en général. Moi, je fais juste un big up rapidement à Iman avec son slogan l'amour sauvera le monde. Voilà, je l'ai dit, Iman. C'est un hommage, ça. L'amour sauvera le monde, exactement. C'est son slogan. Ça pourrait être du Gandhi. Je rassure la personne, c'est un hommage, mais la personne concernée n'est pas décédée. Elle est là. Elle est quelque part parmi nous. Oui, c'est un hommage bien vivant. Pour aller boire un verre après, peut-être. C'est ça. Ça pourrait être du Gandhi. Parce que, oui. Mais exactement, l'amour sauvera le monde. Mais c'est vrai que sans amour, sans passion, par le truc, t'arrives à rien. Et déjà, pour le coup, pour Born Bad. Bien sûr, parce que quand il a sorti des disques, franchement, objectivement, tu les écoutes avant, tu dis c'est insortable. Ce truc, ça peut pas, un truc comme Usé, que j'adore, tu vois. Mais c'est tellement pété, c'est insortable. Et lui, il se dit non. Par rapport à quoi à la qualité sonore, à l'enregistrement. Parce que c'est tellement vénère comme musique, tu vois. Enfin, c'est un truc qui est. On est sur du punk. C'est un mec qui vient des circuits squat et tout, tu vois, à la base. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas. C'est hyper perché. Ça peut pas être un succès commercial, tu vois. Non, mais pourtant, il dit. Le mec est complètement ouf, je vais le sortir, tu vois. Et à côté bien de sûr. Ça, du coup, le truc, c'est toujours de se dire, je peux avoir un disque qui va hyper bien marcher, un truc comme Usé, ou je sais, ça peut ne pas marcher, ça va sûrement pas marcher, mais je le sors quand même, tu vois. Bien parce sûr. Que tu vois, d'un côté, il fait un gros succès commercial, enfin après, je sais même pas à quel point, parce non, que j'ai pas eu ces chiffres. Mieux, mais tu vois, avec un truc avec la femme, tu vois, par exemple, qui l'a réédité, parce qu'à la base, c'est sorti sur Entreprise, mais qui l'a réédité pour le premier album en vinyle, et ça, évidemment, tu vois, le truc a cartonné et tout, aujourd'hui, la femme. Ils sont reconnus comme gros flon de la pop française. Mais pour le coup, il y a un truc. Aujourd'hui, en 2019, par rapport à la musique, à l'industrie et tout, c'est que si tu as envie de percer, si tu as envie de devenir célèbre avec de la musique, tu sais exactement dans quoi t'orienter. Je veux dire, il y a une construction musicale par rapport à ça. Il y a des codes aujourd'hui dans la musique que tu peux suivre pour percer. Les trucs indépendants, les labels, les artistes qui font des trucs à leur sauce où ils s'en battent littéralement les couilles, pourquoi ça marche ? Parce que ça marche pour la simple bonne raison qu'en fait, il y a des genres, il y a des sous-genres, il y a des sous-genres de sous-genres, il y a des assauts de trucs. Si tu perces pas dans le genre, par exemple, où tu es, genre que ce soit du rock, du blues, du jazz, du swing, ou peu importe, hip-hop, trap, tu peux percer dans ton domaine et tu sais que aujourd'hui niveau musique, et on en parlait tout à l'heure avec internet et tout, tu peux écouter ce que tu veux et tu peux percer pour une catégorie de gens qui aiment ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Et après pour les plus chercheurs et les plus curieux, ce qui est revendiqué là-dedans, je pense, c'est le côté fait maison, le côté personnalisé, en fait personnel, quoi. Le truc, c'est tu ça. Le fais tout seul, mais tu le les fais gens, ils veulent tu ça. Le fais avec ta patte à toi, sans que ça soit parfait, mais on s'en fout que ça soit parfait, on veut juste que ça soit fait. Quoi. L'émergence du punk, ça vient de quoi ? Les Stooges ou les Gorillaz, c'était dégueulasse. Le micro, il était. Enfin, quand ils ont enregistré l'album, ils ont enregistré dans un hangar. Je parle des Gorillaz, un groupe de punk de Détroit. Vous connaissez forcément si vous avez suivi ma chronique Detroit Calling. Exactement. Ce groupe-là, il s'enregistrait avec des micros dans un hangar métallique de Détroit, un vieux truc abandonné. Le micro, il était à 10 mètres d'eux. Et c'était de la frappe, ça fait un succès dans le monde du punk, mais c'était naturelle. Leur trip. C'était une batterie et deux guitares, il n'y avait pas de basse. Pas besoin, c'est clair. Il y a une corde demi, mon gars, tu montes, c'est bon quoi. On est bon. Ouais, on est bon. Hein. Non, mais c'est. Oui, moi sûr. Je trouve que ça impose le respect par la passion, par la patience, par l'envie, et après il y a un message et une histoire. La musique, c'est raconter une histoire avant tout. C'est ça le truc, c'est que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité quoi. Non, c'est clair. Et la technique, elle est toujours là. La technique est toujours là, la qualité est souvent là. Ouais. Et même s'il n'y a pas la qualité, que ça soit d'enregistrement. Ça manque de moyens avant tout. Hein. Franchement, la plupart des groupes que j'écoute, je préfère les albums qui sont enregistrés sur des 4 pistes cassettes que ceux enregistrés dans des studios. Donc, c'est clair. Donc c'est au vrai, final, l'analogie. Ça veut rien dire quoi. Franchement, ça veut absolument rien. Ça ne veut rien dire. Le grain est bon. Le grain est bon, c'est exactement. Ça. C'est ça. Non, les gars, écoutez, je pense qu'on va repartir sur une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on a envie d'écouter ? J'avais pensé à la Mirastella. Ah ouais, parce que là, parce vous assistez au vote là. Ouais. Attention, source unique, ils vont se battre. Non, parce que j'avais choisi ça à la base. On a eu Booba et Charisme, on aura droit à un fight là. Ouais. D'ailleurs, on les embrasse très fort sur leurs petites fesses là, parce que les deux, ils sont tendus. Ils sont tendus. Filez-leur un peu de quai là pour les détendre. Ah, ils vont être calmes, ils vont être tout de suite plus calmes. Une petite dose de cheval. Ah, c'est ça. Non, ils vont faire la paix. On espère, Inch'Allah. Bon, alors on part sur quoi, les gars? Ouais, du coup, on part sur la Mirastella, qui est un groupe. Je sais pas d'où ils viennent, je pense qu'ils sont parisiens, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que le chanteur est d'origine chilienne et qui chante en espagnol, souvent. Okay. Soit en français, soit en espagnol. Et ils ont sorti un album qui est juste oufissime il y a pas très longtemps. Ouais. Et je les ai vus à Paris, d'ailleurs, au Petit Bain. Tu sais d'où ils viennent, les gars? Je pense que c'est Paris, mais je suis pas sûr. Je sais que le chanteur est pas d'origine française. Après, les autres, je pense que c'est parisien, j'en sais rien, en fait. D'accord. Je sais pas. Bah, j'imagine. Mais en tout cas, je les ai vus à Paris avec Aqua Serge et Orval Carlos Sibelius au Petit Bain. Yes. Et j'ai vraiment surkiffé. Leur album est vraiment bien. Il y a de tout. Il y a du prog, il y a du rock, de la pop. Le premier morceau, il commence avec un rythme tango fait avec un orgue farfisa, tu vois. Enfin, wow. Moi, ça me parle direct, quoi. Et là, du coup, le morceau, c'est Viajes. Je sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un fait de l'espagnol. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je m'attends, c'est-à-dire que ça veut dire voyage, mais j'ai peur de rien. Ah oui, c'est voyage. Si j'avais vérifié, c'est voyage. On signale en régie que c'est bien ça, du coup, merci. C'est bon, on est bon. Ok, bah écoute Clément, je te laisse redire le nom du groupe et le titre. Et Le groupe, c'est la Mirastella, et le nom du morceau, je sais pas ce que c'est, on va demander à Alex. Viajes, exactement. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM sur Paris et toute l'Île-de-France. Rebonsoir tout le monde. Nous sommes avec Source Phonique. Rebonsoir. Rebonsoir. C'est nous-mêmes. Bonsoir. Hey. Du coup, nous sommes sur la dernière partie de l'émission. Il nous reste exactement 20 minutes. Ouais. Du coup, c'est ma première émission spéciale. et je suis vraiment très très content de vous avoir avec moi. Édition, on est très heureux d'être là aussi. Vous êtes mon émission spéciale, vous êtes spéciaux. Et je vous remercie juste d'être. Parce que, oh, c'est beau. Cool. Ouais, c'est très beau, philosophique. C'est, moment, voilà, c'est ton moment des cartes. C'est ça, exactement. Je te remercie d'être. Mais en vrai, merci d'être là. Et juste continuer de faire vivre Reims. Et sans transition, du coup, on va parler un petit peu de. Je sais que du coup, vous allez avoir un événement à venir dans pas longtemps. Ouais. La release partie du de la compile, de la compile des, ouais. Du label aussi, le lancement du label. On n'a pas de date précise. Ouais. Mais en gros, ça sera fin avril, début mai. Ou début mai. Ouais, en tout cas, je vous invite tous à suivre Source Phonique sur Facebook. Vous aurez toutes les infos dessus. Tout à fait. Et les infos même pour. Alors on a quand on achète des disques, bon là on fait pas beaucoup en ce moment parce que du coup on est vraiment sur le label. Donc, mais quand on achète des disques et tout, quand on a des actus au niveau du disquaire, on a un Discog qui est mis à jour très souvent. Donc j'ai on a la liste des disques, voilà. On a un Discog qui est mis à jour souvent. Alors après, le problème c'est que on vend pas nos disques encore. À distance quoi, on les envoie pas. Mais après oui, on fait des événements là sur l'événement, on vendra forcément les disques. C'est un peu le but à la base de l'asso, hein, oui, voilà. de faire des événements. On n'était pas trop, comme on n'a pas des masses de disques, on s'est dit si on commence à en vendre sur internet, il va pas nous en rester. Après, ça pourrait permettre de faire tourner les disques, mais on préfère les faire tourner localement. C'est pour ça que je voulais vous avoir, parce que vous étiez avant tout déjà sur l'humain en fait, le fait de dire voilà, nous on est l'association Source Phonique, on fait tel événement. Venez voir nos vinyles, venez voir notre live avec nos artistes. Je sais même que vous avez fait quelques événements où il y avait aussi des artistes qui venaient avec leurs tableaux à l'appart. Pas à l'appart, mais on a fait ça à la Verrière. On avait fait un événement qui s'appelait comment ça s'appelait déjà ? Le Vivarium. Disques et en gros il y avait des plasticiens, des peintres qui avaient mis des œuvres. Il y avait aussi d'autres disquaires. Ouais. On a passé du son toute la journée. Enfin, c'était vraiment cool parce que voilà, on a eu ça. Surtout la Verrière. La Verrière, c'est un côté à Reims. C'est le seul lieu où c'est vraiment juste. C'est une baie vitrée. C'est une baie vitrée. J'ai envie de dire sur un parking, mais c'est pas un parking. C'est le parvis. C'est le parvis. On rêvait d'une plage ou. Mais non. Non. En fait, si tu veux, la Verrière, pour expliquer un petit peu à tout le monde, si vous n'êtes pas de Reims, la Verrière, c'est un bar, restaurant et la nuit. En fait, c'est un bar-restaurant qui est posé juste à côté du cirque de Reims. C'est ça. Mais c'est du manège de Reims. C'est du manège. C'est posé là. En fait. Oh, mais c'est cool. C'est assez drôle. Lieu de Alors moi, j'ai eu des échos. En mode pavé, quoi. C'est assez drôle. J'ai eu des échos de certaines personnes de Reims qui ont assisté Alex. Je te parle à toi. qui ont assisté à un événement Lune. Où vous avez envoyé, je crois, un truc psychédélique. Vous étiez la Verrière en aluminium. Fumé de partout. Ouais. Soirées en général. Alors si c'était à la Verrière, c'était l'année dernière. On avait fait une soirée à la Verrière, une soirée Lune où on avait fait jouer des gens de Lune, dont Hasard Mécanique. Du coup, on avait fini Hasard Mécanique. Donc c'est vrai que c'est très très spécial parce que c'est des lives où on fait de la musique électronique en général, on fait pas que de la techno, mais bon, comme ça en fin de soirée, on aime bien faire danser. C'est de l'improvisation avec des machines. C'est de l'improvisation avec des machines analogiques. Que de l'analogique. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est du Kraftwerk, mais genre 5 crans au-dessus. Ouais. Non, tu peux pas faire plus authentique. Ça met la barre haute, mais ouais, c'est. Ça met la barre. Non, exactement. Exactement. On aime bien bidouiller, donc on met plein de trucs avec du coup je suis Hasard et puis il y a Mécanique qui est Cyril qui est avec moi avec 60 synthés on a beaucoup de synthés, on a plein de trucs, on a même un lecteur cassette, on met des conférences sur des trucs pas croyables. Et on rigole bien et puis on fait bien danser les gens, donc c'est cool. Et c'est des soirées vraiment cool. Où on fait une grosse scéno, on met de l'alu partout. Enfin, c'est vraiment le côté Lune, cosmonaut, tout ça. C'est si vous aimez genre la techno, le côté science-fiction et tout. C'était ça. Lune ça. Musique moi, sur c'est Facebook, les échos que j'ai eu. Franchement, j'ai vu 2-3 photos. J'ai vraiment adoré. C'était psychédélique à souhait avec votre vaisseau spatial et tous les synthés en analogue modulaire. Vous branchiez vos jacks. C'était un délire. C'est quoi à la verrière, pour ceux qui voient la référence, c'est un peu le clip de Magic Fly de Space. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc de disco synthé. Italo disco, ouais. Ouais, non, c'est français d'ailleurs, je crois. Ah, c'est français. Il me semble que c'est français, mais je suis pas sûr. Mais un truc qui est sorti en 77, je dirais. Et en fait, ça, c'est la vision du futur et de l'espace, mais vue depuis le milieu des années 70, quoi. Donc avec des synthés futuristes, futuristes pour l'époque, quoi. Mais avec un truc ultra kitsch, mais ultra beau à la fois. Et du coup, c'est un peu là-dedans, le côté alu, le côté un peu... Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait cette soirée à la Carto où toi, t'étais là aussi, il me semble. Je suis passé, ouais. Où il y avait une espèce de navette spatiale, où vous étiez surélevé à 3 mètres de haut, devant le parterre du public... À la cartonnerie, c'était assez incroyable. Ouais, c'était vraiment fou. Cette soirée-là était vraiment. Ouais. Et t'as envoyé du steak, Alex, parce que t'as mixé à cette soirée à la cartonnerie. Ouais. Et c'est pas rien, parce que quand nous, on était au collège, je me rappelle que toi et moi, on parlait énormément de... En tout cas, on parlait énormément de musique. À un moment, tu m'as fait découvrir la MAO et plein de trucs à côté, et je te remercie infiniment pour ça. Et je sais qu'on parlait énormément de par exemple la cartonnerie qui était une scène assez grosse et dans de Reims donc c'est la grosse scène quoi. Et c'est moi quand je suis venu tu sais j'étais vachement ému, j'étais là putain on était au collège ensemble et là ce soir tu vas faire ça quoi. C'est vrai que c'était une progression artistique quoi. Bah c'est la passion, l'envie, le mine de rien, on dit du travail mais c'est avant tout un kiff de le faire, mais c'est des heures. Et puis l'une aussi qui m'ont invité à mixer parce que je suis sur l'une depuis le début et tout, et à chaque fois il m'invite et je kiffe trop quoi, c'est trop cool. Et là en plus je venais juste de sortir mon projet DJ Lab en mode house, hyper influencé par la house vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Ouais tout à fait. Et j'irai checker. Et vas-y, il faut DJ Lab. Tu as prêché un convaincu. Voilà. Et du coup ils m'ont invité parce qu'ils ont dit bah voilà t'as un nouveau projet, allez lance-toi. Et du coup c'était c'est cool. Clair. Voilà. Et c'était un très gros truc. J'étais content. Franchement. J'ai voulu retourner les gens et j'ai réussi et j'étais content. Retourner c'est léger. Mais ouais, t'as quoi. Du coup sur ces 5 dernières années les gars de Source Phonique et du coup maintenant que vous êtes un label, sur ces 5 dernières années qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce que il y a des trucs qui vous ont vraiment, j'ai envie de dire, touché dans vos vies ou le fait de le faire? Je crois que je vois à quoi tu fais allusion. C'est vrai que j'avoue. On en a parlé un peu avant. Un peu flou, mais c'est surtout dans l'idée un peu flashback, tu vois quoi. Parce que mine de rien, vous avez fait plein de trucs et rien n'a été forcément en vain, tiens. J'ai envie de dire. Non. Ouais, on a quand même eu des belles surprises quoi. T'as d'ailleurs, c'est Gandhi qui disait ça. Tout ce que tu feras sera. Merde, attends. T'es sûr que c'est Gandhi? Oui, c'est sûr. C'est tout ce que tu. Fake news. Hein. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est important que tu le fasses. Ah. Sur ces 5 dernières années. Voilà. Ça doit faire partie du cycle de la vie. Ça fait un peu penser à la légende du colibri qui met la petite goutte d'eau sur le feu. Il dit moi je fais ma part quoi. Ah, j'ai pas la référence. D'ailleurs, pour la petite histoire, à la fin de cette fable, le colibri meurt. Voilà. Petite dédicace à Pierre Rabhi. Il s'en fout. C'est vrai, il s'en fout. Ah, c'est le cycle. J'ai pas la référence, je suis désolé. Bon, et je suis sûr que tu as. Parlons anecdote. Après, moi, je peux pas parler sur les 5 ans des. Après, n'oublions pas que. Je suis là que depuis un an et demi, 2 ans. Ouais, 2 ans. Mais ouais, c'est vrai qu'on a fait une soirée assez incroyable pour le. C'était une soirée de l'école d'art et design de Reims, l'ESAD. En fait, au début, on arrivait là-dedans, on le sentait pas trop, quoi. On s'est dit, ouais, ça va être bizarre. On sait vraiment pas, surtout que l'organisation était un peu pétée. Et une enceinte, quand on l'a branchée, ça commençait à sentir vraiment le cramé, on avait un peu peur. Mais au final, on a commencé à lancer le truc, on a commencé au début à mettre des disques de musique brésilienne et tout. Déjà, un mec qui arrive, genre, ah, c'est vous qui mettez ça et tout. Genre, bah, ouais, tu me dis, ouais, je suis brésilien, j'adore, tu vois, c'est le truc que j'écoutais quand j'étais gosse. Genre, ok, tu vois. La réaction authentique, la coïncidence. Ça mène chez moi. Le truc qui fait ultra plaisir, tu vois. Putain, c'est le bled. Non, et puis après, on a commencé à balancer de l'afrobeat, de la funk, du disco et tout. Les gens étaient ultra réceptifs. Et au final, c'est dans une toute petite salle à Reims, à l'étage du Stalingrad, pour ceux qui connaissent C'est un bar tabac. C'est vraiment un bar tabac. On n'a pas ça à Paris, tu vois. C'est vrai. On a vraiment retourné le truc. Et au final, les mecs qui étaient devant nous, ils ont fini torse nu, nous aussi, quoi. Balancer du gros disco, balancer du dog gynéco, tu vois, moitié à poil dans le truc. Passement de jambes, torse nu. Sur le beat de flamme, quoi. Voilà, et tout le monde chantait, c'était formidable. Et ouais, c'est des trucs comme ça, en fait. On se retrouve à avec face à des gens qu'on connaît pas spécialement et ouais, ils dansent et après ils viennent faire les câlins genre ouais, mec, et là, tu ça va être quand même une sacrée grosse expérience bah ouais, c'est bon en fait tu dis juste en fait on se retrouve tous autour de la musique on aime ouais, les mêmes trucs ouais, on se connaît pas mais le truc c'est, tu ça, vois, c'est le, cool, ça, le petit truc de disco tu vois que je pensais un peu obscur et tout bah non les deux mecs devant ils connaissent aussi c'est leur morceau préféré aussi tu vois comme moi on se retrouve autour de ça tu vois ça se fait ultra plaisant bah oui c'est ça que les mecs écoutent du Beyoncé du Rihanna surprise motherfucker en plus on n'est pas contre juste on s'est dit bah merde en fait ça leur plaît c'est trop cool et du coup c'est là le partage est là quoi ouais d'accord t'as c'est beau hein. Ouais, t'as vu on apprend plein de choses ouais c'est clair ouais, c'est clair voilà. Bon bah en tout cas les gars on arrive sur la fin de notre émission on repasse un morceau on va repasser un morceau mais avant de repasser un morceau bah déjà je vous laisse vous mettre d'accord sur un petit morceau mais j'aimerais surtout aussi dire que voilà Source Phonique association rémoise et maintenant officiellement label parce que c'est chez nous que vous l'avez entendu pour la première fois. Et Alexandre Labarre, Clément Piau, c'était un plaisir de vous avoir. C'était un vrai plaisir d'être là. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez, sans déconner. Si vous avez des artistes que vous aimez, que vous voulez faire passer en live, n'hésitez pas. Venez me voir. Ce sera bon, on repart. On reviendra. Toute occasion est bonne à prendre. Vous êtes des gars géniaux. Continuez de faire ce que vous faites. Nicolas, tu m'en as marre, en fait. On encourage et on salue votre compile qui va bientôt sortir. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à les retrouver sur Facebook. C'est Source Phonique, tout simplement. Voilà. Et là, on va annoncer dans les jours à venir, la semaine prochaine, on annoncera le premier clip, enfin le premier morceau de la compile en fait, qui va sortir sous forme de clip. Donc voilà, vous allez pouvoir écouter ça très rapidement, un petit échantillon de ce que sera cette compile. Ah, ouais, donc voilà, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Phonique, et il y aura du nouveau très vite. Une petite. Voilà. Une petite gouttelette avant. Une petite mise en bouche. Cet apéro. C'est bon ça. Bon bah c'était Source Phonique, mesdames et messieurs, vous étiez sur la 106.3 fréquence Paris Pluriel, au fond près du jukebox. Retrouvez-nous tous les mardis de 19h à 20h30. Et des gros bisous. Des gros bisous. Des bisous à tous. Et on a un morceau du coup de Source Phonique, qui est le dernier, l'ultime. Bon, on va mettre un mec qu'on aime beaucoup, qui est dans Aquaserge, Julien Gas, qui est évidemment génie de la pop actuelle s'il en est. Et qu'il faut suivre. Et dans tous les projets cool qui sortent aujourd'hui, il a toujours un pied dedans, il connaît tout le monde. Bon. Soit Alomo, qui a sorti son album il n'y a pas longtemps, enfin bref. C'est quoi le titre C'est Julien Gas, qui est le morceau qui s'appelle Fuck. Fuck. Ok. Yes. On finit en beauté là. On finit en méga beauté. C'est le premier album, il est enregistré sur un 4-piste cassette. Exactement. Comme t'es ça. Comme tu aimes. Avec une seule cassette, et du coup, il faisait Tu fais des bandes par-dessus. Ouais, à l'ancienne, les trills, comme on n'en fait plus. Quoi. Ouais, clairement. C'est beau ça. Une petite ASCAM. Donc voilà, c'est chez nous que ça tombe. On a eu Source Phonique, ils nous viennent de Reims. Suivez-les, Source Phonique, sur Facebook. On vous trouve le son tout de suite. On va vous diffuser ça. Et on vous aime. Suivez Source Phonique sur Facebook. Il va y avoir une release party qui sera trouvée d'ici sous peu. Ouais, ça se passera fin avril. Fin avril. Fin avril ou début mai, on n'a pas encore la date précise. Ce sera normalement au lieu à Reims. Ouais. Et donc voilà, on aura plusieurs groupes de la compile. On espère tous les avoir, mais bon, après c'est toujours compliqué avec les dates des uns ou des autres. D'avoir tout le monde, mais bon, on espère en tout cas avoir une belle soirée. Il y aura aussi des DJ sets, on va faire jouer des copains, on va passer des disques. Moi personnellement, je serai là. D'accord, ok. Bah, on va changer de son du coup parce qu'au final on a un problème de format, la technique, mais c'est pas bien grave. On va quand même vous envoyer ça. Les gars, juste attendez, ils se mettent d'accord. Allez, son. On a choisi. On va aller du côté du Brésil. Mais gros big up à Julien Gas du coup. Désolé. Mais on va mettre. Si vous avez un big up à faire pour Reims ou des gens, c'est maintenant. Si t'as envie de faire un bisou à ta maman. C'est maintenant. J'en passe toujours ma mère, toujours. Toujours. Absolument. Moi, salut ton père. Mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs. Et mes sœurs. non, mais ouais, big up la L2 de philo à Reims, truc de dingue. Qu'est-ce qu'on envoie du coup ? Alors du coup, c'est, au final, il y a un lien parce que Julien Gasque, en live, a déjà joué. Alors je suis venu le voir, il a joué à un morceau de Ivan Lins, qui est un artiste brésilien, qui s'appelle Corpos. Et voilà, c'est un morceau qui est sur un album qui est sorti en 70, je crois. Ouais, je crois. Qui est exceptionnel. C'est voilà, qu'on aime bien jouer aussi après un bon set disco quand tout le monde a bien dansé. C'est vrai que c'est, c'est un morceau un peu emblématique de Source Phonique parce qu'on le joue toujours en tout dernier et les gens, ça casse complètement l'ambiance, mais on adore. Les gens dansent, c'est génial, c'est la dédicace. Tu sors les briques. Pour vous, c'est important. On est d'accord que ça, c'est la dédicace. C'est comme un petit rituel. Ah, ça fait plaisir. c'est ici que ça se passe et c'est à Reims que vous l'entendrez. Et voilà, bah disons, il se passe des trucs à Reims, hein, faut pas croire. Hein. Ah, faut pas, vous êtes pas prêts, vous êtes comme pas ça, prêts. Ça, on dira à tous nos amis parisiens de descendre sur Reims. Vous n'êtes absolument pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Bon, on vous embrasse tous. C'était 106.3 Fréquence Paris Pluriel. On vous aime. Bonne soirée, Alex. Bonne soirée, Clément. Salut, merci, Paris. Bonne soirée, Joe. Merci, bonne soirée à tout le monde. À la semaine prochaine. Corpos.